89.1. CKRL, Québec. Bienvenue à une autre émission de Web Musique. C'est Simon Roy qui est entre vos deux oreilles. On passe la prochaine heure ensemble, plein de bonne musique que vous pouvez télécharger gratuitement. Gratuitement et légalement, c'est important de le mentionner. Vous vous rendez au www.webmusique.ca pour avoir accès à la playlist de l'émission et ainsi télécharger tous les fichiers donc des pièces que vous entendez. On va débuter avec un artiste mexicain du nom de Veit. Je l'adore, ça fait quand même assez longtemps, je pense même depuis les débuts de Web Music en 2007. Un artiste, une carrière assez intéressante, très impliqué dans le monde du net audio. Donc, je vous présente sa pièce Bastet. C'est sur son nouvel album qui est paru cette semaine. L'album s'appelle Vitam. Donc, allez le télécharger, ça vaut vraiment la peine. Tout de suite après Veit, ça va être Usul, un artiste qui est publié sur Fresh Pulp Records. C'est donc un remix de la pièce Bad Conqueror. Vous allez voir, vraiment excellent. C'est un peu de dubstep façon wobble. Vous allez voir, excellent. Donc, on écoute tout de suite Veit, suivi par Usul. Thank you. C'était Azul avec le remix de la pièce Bad Conqueror. C'était donc publié sur Fresh Pulp Records. Avant ça, on avait débuté l'émission avec le Mexicain Vate. C'était sa pièce Bastet tirée de son album Vitam. Pour poursuivre Web Music, on va entendre une pièce de Benjamin Jackson. La pièce s'appelle Osho. C'est publié sur Up It Up Records, un excellent net label avec plein d'albums. Toujours assez intéressant comme sortie à chaque fois. Donc, allez voir qu'est-ce qui se passe sur Up It Up Records. Toujours des albums vraiment intéressants. Tout de suite après Benjamin Jackson, ben, ça va être Timequake avec sa pièce Dopamine. C'est publié sur Retrospective Zoology. Vous allez voir, excellent. On écoute tout de suite Benjamin Jackson. Thank you. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. On vient tout juste d'entendre un duo qui nous vient de la Slovénie. Il s'agit de Timequake. C'était la pièce Dopamine. C'était publié sur Retrospective Zoology, donc un net label qui nous vient lui aussi de la Slovénie. Avant ça, de la ville de Londres, c'était Benjamin Jackson avec sa pièce Osho. C'était publié ça sur Up It Up Records. Pour poursuivre l'émission, on va je vais vous faire entendre une pièce de Morris. C'est un artiste de la ville de Medellin, en Colombie. Je vous fais entendre la pièce Congelado. C'est un remix par Daniel Posada. Vous allez voir, une pièce assez excellente. Ça, ça devrait nous mener tout de suite après la pause, puis je vous reviens tout de suite après. Thank you.

Thank you. de l'Espagne, c'était l'artiste Juana Mani. C'était avec sa pièce Escitia, donc publiée sur Censored Productions, une étiquette qui nous vient de la Hongrie. Avant ça, de Moscou, c'était Doyek avec sa pièce Memory Sound. Ça, c'était publié sur Tom Young Recordings, une étiquette argentine. Pour la suite, on se déplace du côté de la Russie avec Plotka, qui publie sur Kunabu, un excellent netlabel polonais. Leur site est un peu en réaménagement, mais vous pouvez quand même télécharger les pièces sans problème. Donc, on va entendre la pièce de Sleeping Nature. On écoute ça tout de suite. We'll be right back.